On va parler de patinage de vitesse sur courte piste. Encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de patins en fin de semaine. Il y a les qualifications canadiennes où participent entre autres Marianne, Cassandra, il y a également Maude Tremblay de Boom-Sissonnais. Et il y a également une compétition à Chicoutimi. Ça, lundi, on va en parler avec David Simard. Quoi qu'il en soit, on va rejoindre, je pense qu'il est à Montréal, François-Olivier Robert. Salut François! Oui, salut, salut. Oui, je suis à Montréal, dans les estrades de l'Aréna Maurice Richard. Ben oui! C'est les championnats canadiens qui commencent cet après-midi ici à Montréal. OK. Puis je pense que tu me corrigeras, parce que maintenant, on fait tellement de nouvelles avec le national, le local, le régional. Mais il y a Maude Tremblay qui est là aussi. Il y a également Marianne, Cassandra, c'est pas surprenant non plus. Et il y en a d'autres de Saint-Félicien aussi. Oui, totalement. Oui, oui, Donc, oui. c'est quoi l'avantage? Il y a Exemple, pour Marianne, c'est quoi il y l'avantage? a vos amis Marianne, Tremblay ouais, Marianne puis aussi. Cassandra, puis ainsi de suite. C'est quoi leur avantage, l'autre, de participer à ça? C'est sûr que de toute façon, ils participeraient plus pour Marianne, là, et ce serait le choix discrétionnaire. Ouais. Bon, en fait, ils ont pas le choix de participer pour se qualifier pour les événements internationaux de l'hiver. Il y a une qualification à l'automne, ils l'ont faite, Ouais. puis là maintenant c'est pour l'hiver, donc Coupe du Monde et Championnat du Monde, surtout Championnat du Monde. Il y a 5 places disponibles chez les gars et chez les filles, mais il y a des choix discrétionnaires. Mais si ceux qui finissent 1 et 2 chez les gars, 1 et 2 chez les filles, eux ils s'assurent qu'ils participent au Championnat du Monde, puis c'est ce qu'ils visent. Quand on parle de nos tops, là on parlait de Marianne, de Cassandra. Val Maltais, c'est ce que les filles vont viser absolument. Et après ça, ben, étant donné qu'il y a des choix discrétionnaires, ben, on veut faire bonne figure. Si on n'est pas deuxième, on veut pas être neuvième ou dixième, là, on veut être dans le top du classement. C'est une compétition super importante et difficile, hein, parce que c'est avec des coéquipiers, avec des coéquipières. Donc, François, est-ce qu'il y a quelqu'un du secteur qui ou encore une personne qu'on n'attend pas qui pourrait sortir de nulle part et vraiment causer une surprise puis se tailler une place sur l'équipe canadienne? Ben, ça va être difficile d'arriver, honnêtement, là, je vais pas être plate, une réponse un peu plate. Ça va être difficile d'arriver de nulle part puis de venir nous surprendre comme ça, là, quelqu'un qu'on n'aurait pas vu arriver pantoute. Mais bon, chez les gars, il y a Pascal Guillaume. En fait, je peux pas dire qu'on l'a pas vu nulle part, là. Il était en Coupe du Monde cet automne. Mais c'est parce que chez les gars, on attend beaucoup Charles Hamelin, on attend Samuel Girard, assurément. Samuel là, qui veut ici, moi je pense qu'il veut possiblement être champion canadien, là. Il est rendu là dans sa carrière. Charles Cournoyer, qu'on connaît aussi, hein, Pascal Dion qui pourrait. Puis chez les filles, ça va être serré, là. Il y a beaucoup de monde. Moi, j'ai hâte de voir, puis c'est pas qu'on l'attend pas du tout, là. On l'a vu cet automne aussi, mais j'ai hâte de voir ce que Marie-Ève Drolet va faire. Marie-Ève qui a fait son retour, grand retour en Coupe du Monde, puis en podium de Coupe du Monde cet automne. Elle continue à progresser là, tout le long de l'automne. J'ai hâte de voir où elle en est rendue dans son cheminement. Sinon, Cassandra, Val, Marianne, même chose. J'ai hâte de voir, ils ont eu des automnes. Marianne, un super bon automne. Ah ouais. Cassandra, puis Val, c'était parfois bon, c'est moins constant, disons. Mais ici, c'est championnat canadien, là, c'est là que tout doit se mettre en place. Là. On peut pas se permettre d'être pas constant en fin de semaine. C'est en fin de semaine qu'il faut que tout soit là, puis qu'il faut que tout se passe bien. Fait que j'ai hâte de voir ça, comment ça va se dérouler. Puis l'enjeu est grand, puis c'est une grosse saison, championnat du monde à la fin de la saison à Rotterdam. Puis après ça, on continue, puis on va aux sélections olympiques du mois d'août. Là. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire nos filles, puis nos gars. OK. Si on parlait maintenant de Maude Tremblay, je pense que Catherine est là aussi, Catherine Mailloux, oui. Catherine Maillot, Rosalie Tremblay, si je ne m'abuse aussi. Rosalie Tremblay, là, oui. Oui. Même Karina Montmagny, je pense aussi. C'est quoi? Non, je pense que Karina n'est pas là. C'est quoi, genre, pour eux, là, c'est quoi? C'est d'améliorer leur temps, tout simplement? Ouais, ben, les temps, c'est pas les temps, c'est de faire des bonnes courses pour un bon classement, puis en progression, on fait beaucoup de points au championnat canadien. Puis c'est d'améliorer nos classements dans chaque course pour faire beaucoup de points pour le classement national. puis monter dans nos classements nationaux pour un jour réussir à atteindre l'équipe de développement, l'équipe nationale. C'est un processus qui est quand même long, puis faut le vivre. On peut pas, il y en a pas beaucoup qui vont sauter les étapes. Il y a pas beaucoup de jeunes juniors qui vont être juniors, puis là, boum, qui tombent sur l'équipe de développement. C'est un long processus, puis qui commence par classement national. Ensuite, quand on est junior, on vise les championnats du monde junior. Les sélections viennent d'avoir lieu là, avant décembre. Mais ces filles-là, la majorité de ces filles-là sont encore juniors, puis ils vont avoir des chances l'année prochaine pour les championnats du monde juniors. Donc, c'est ça. On va aller chercher de l'expérience, bien se placer dans nos courses, faire des bons choix. Le courte-piste, c'est beaucoup ça. Hein. On peut être très rapide, mais il faut faire les bons choix au bon moment. Puis, les jeunes patineuses, les jeunes patineurs, c'est souvent ça qu'ils ont amélioré. C'est leur décision sur la glace. Ouais, effectivement. Ici, c'est une super scène pour ça, parce que toutes les meilleures sont... Ah, effectivement. Donc, j'imagine que pour Maud et ainsi de suite, eux, c'est de dire, bagade, si on fait un beau temps, si on fait un bon temps, ça va être valorisant pour nous. Là, puis ça, puis là, on n'est pas si loin des meilleurs puis pour gagner en confiance. J'imagine que c'est ça. Oui, ben ouais, exact. Ben, être avec les meilleurs dans nos courses, là, ça nous permet de nous améliorer. Là. Ces filles-là vont être avec les meilleures canadiennes puis qui sont pas mal les meilleures au monde dans leurs courses. On le voit, les mêmes choses, des jeunes patineurs qui arrivent en Coupe du Monde pour leur première Coupe du Monde. Des fois, ils sont un peu impressionnés, ça va vite, les courses sont hyper vite, les dépassements se font sans hésitation, tout ça. C'est un processus d'apprentissage, mais c'est la même chose pour ceux et celles qui en sont à leur premier ou deuxième championnat canadien. Là. C'est un autre step, là, c'est une autre marche qu'il faut aller chercher. Puis c'est pour ça qu'il faut le vivre là, avant d'arriver ici et d'avoir des grandes attentes. OK. Ben, on s'en reparle lundi pour analyser tout ça. Certainement. Bonne fin de semaine. François-Olivier Robert, notre chroniqueur de patinage de vitesse sur Côte-à-Pierre.